Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête... On va tous mourir ! Abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Selon le gouvernement, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Pour ma part, je dépasse ce quota sans difficulté. En parlant de difficulté, il nous semble simple d'affirmer que les fruits et légumes que nous mangeons ont, pour la plupart, des racines franco-françaises et même plus largement européennes. Vous me connaissez, moi et ma tentative de voix grave, je vais vous démontrer que non. Si on ne cultivait que des fruits et légumes bien de chez nous, on aurait du chou, des fèves, de la salade, des mûres, des myrtilles et des noisettes. On prendrait peut-être moins de plaisir à table, mais aussi on serait peut-être un peu moins obèse. En vrai de vrai, d'où viennent-ils? Quels sont leurs territoires d'origine et leurs histoires à travers les âges? La variété de nos légumes n'a cessé d'évoluer. En effet, l'homme a toujours recherché de nouvelles saveurs et de nouveaux plaisirs. Titre. Auparavant, lorsque le paroxysme de la mode consistait à s'enfiler du mammouth dernier cri sur le dos, on cueillait des petites feuilles, des jeunes pousses, des boutons floraux et des racines. Principalement mangés en soupe, ces végétaux étaient conservés par salage, séchage ou encore fermentation. Comme le chou, de la choucroute, mais ça se fait beaucoup plus tard. De nombreuses espèces pionnières sont quant à elles devenues des mauvaises herbes, destinées à être éradiquées telles les surmulots à Paris. Comme ces aliments étaient abondants et faciles à trouver, il n'était pas nécessaire de les domestiquer. L'agriculture fait son apparition au néolithique, dans un temps très très lointain où mes grands-parents étaient jeunes, à peu près au même moment que la sédentarisation des hommes. Des espèces vont alors se créer, soit de manière naturelle entre espèces sauvages, soit via la main de l'homme. Ainsi, blé comme coton sont apparus spontanément et ont commencé à être cultivés. Le colza, issu du croisement spontané entre la navette et le chou, apparaît au Moyen-Âge. Me demandez pas ce que c'est la navette, je ne sais pas. Par ailleurs, l'époque médiévale repose sur une croyance simple, selon laquelle la hiérarchie du monde est imposée par Dieu. Je suis Dieu. Sans blague. Ne rigolez pas si vite, car notre Dieu aujourd'hui c'est McDonald's et Unilever. Il ne suffit pas de consommer légumes à l'époque. Il est avant tout le symbole d'un statut social. Les plantes qui poussent en terre, l'oignon et l'ail, dépréciés, sont pour les paysans, les gueux et les prolétaires. Puis viennent les légumes racines, les carottes, les navets, le panais, et les légumes feuilles, les épinards, le chou, la salade. Les plus éloignés du sol, les fruits, qui poussent près des cieux, sont réservés au plaisir de la noblesse. Mais c'est pas pour ça qu'il y en a des pourris. Sans pour autant concurrencer le primat absolu de la viande, qu'il est bon de remettre en cause de nos jours au vu de sa surconsommation, l'engouement pour les fruits et légumes rend pleine les tables des élites européennes. Les pionniers en la matière sont les Italiens. Petits pois primeurs, asperges et artichauts se servent en entrée ou en entremets, alors que la salade stimule l'appétit en début de repas par de subtiles touches d'amertume et d'acidité en accompagnant le rôt. Le service de la viande rôtie, c'est de là que vient le mot rôti. L'époque moderne est un coup d'accélérateur digne du plus grand Kylian Mbappé face à l'Argentine en 8e de finale. La Renaissance est une période d'essor, des sciences et des techniques. Ainsi, les Européens commencent à explorer le monde et les botanistes s'organisent pour nommer et décrire les plantes inconnues des anciens. Parallèlement, l'essor urbain entraîne l'apparition des ceintures maraîchères et les jardiniers deviennent des professionnels. Ils payent des impôts. Le 18e siècle, lui, est le siècle des hybrideurs. On découvre le rôle du pollen et les savants et jardiniers se mettent à distinguer les espèces et les variétés. Les années 50 voient apparaître les premiers hybrides F1, avec l'oignon et la tomate, hybrides qui s'avèrent pauvres en vitamines et nutriments. Malgré leur uniformité et leur production mécanisable, cette évolution a drastiquement réduit le nombre d'espèces, car on a eu la bonne idée de s'approprier la nature en brevetant des graines, en plus de les avoir appauvries en vitamines et nutriments. Au 19e siècle, le discours médical et hygiéniste contemporain valorise les légumes et les légumineuses, donc les lentilles, source de protéines végétales, puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on théorise et on présente comme une panacée un régime crétois à prédominance végétale qui serait le régime originel de la société occidentale. De là, naît le végétarisme moderne. Une fois de plus, vous allez m'engueuler car je tourne autour du pot, et oui, j'aime la confiture de mon papy, notamment sa gelée de pommes. Chaque plante, chaque graine importée en Europe a dû s'adapter à un nouveau territoire, climat ou biodiversité. D'un point de vue génétique, de nouvelles formes, textures et goûts sont apparus. La fraise rouge que nous mangeons aujourd'hui vient d'Amérique latine. Elle était blanche à l'origine. Lors de son implantation en Europe par les conquistadors en 1740, la fraise blanche est devenue rouge suite à un croisement involontaire par pollinisation naturelle. Parlons enfin des racines de nos fruits et légumes. Je vais vous en lister quelques-unes. La pomme de terre, ce que l'on mange aujourd'hui, les frites, la purée, la raclette, la tartiflette. Ce qu'on imagine franco-français a été domestiqué dès 8000 avant Jean-Claude Van Damme, en Amérique du Sud. Ces tubercules étaient au départ petits. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et amère, car chargée en alcaloïdes toxiques, la couleur verte que l'on peut voir parfois sur les pommes de terre. Elle est arrivée en France au XVIIe siècle, mais il faudra attendre le pharmacien Parmentier et son hachis pour qu'elle se développe. Je vous conseille notamment le Parmentier de canard, c'est super bon. La vieille tomate, comme dirait ma sœur, et aztèque. Elles étaient toutes petites et ont longtemps été considérées comme des plantes décoratives et ornementales, car réputées toxiques. Elles sont arrivées en Europe au XVIe siècle. Les haricots se sont développés au Pérou et au Mexique. On n'imagine pas, mais c'est le cas. On consommait les graines et les feuilles. Il est introduit en Europe par Christophe Colomb, puis en France en 1553, lors du mariage de Catherine de Médicis avec Henri II. Enfin, j'ai envie de vous parler de l'aubergine. Au-delà d'être un emoji salace sur nos téléphones, l'aubergine vénère Ganesh, car elle est indienne. Elle arrive en Espagne au Xe siècle et continue d'être consommée aujourd'hui en moussaka. Et pêle-mêle, j'ai envie de vous faire une petite liste de ce qui vient du monde. Du Proche-Orient vient l'ail, la betterave, la carotte, les lentilles, le navet, l'oignon, le persil, le poireau, le pois, le pois chiche, le radis et la pomme. D'Afrique, on a l'igname, la pastèque, le melon et l'artichaut. Allons encore plus loin avec la Chine septentrionale qui nous a fait découvrir le concombre, le gingembre, le radis noir, le soja, la pêche, la poire et l'abricot. L'Asie du Sud-Est, elle, peut se targuer d'avoir à son actif l'aubergine et le citron que l'on fout partout, parce que c'est super bon. Enfin, l'Amérique est le vivier originel de la plupart de nos fruits et légumes avec les courges, le haricot, le maïs, le manioc, la patate douce, le piment, le poivron, la pomme de terre, le quinoa, la tomate, l'avocat et le cacao pour le plaisir de nos enfants. Maintenant que vous savez où sont nés nos fruits et légumes, voyons une autre problématique, parce que j'allais pas vous laisser comme ça. D'où viennent nos fruits et légumes aujourd'hui? Il faut constater que l'offre est pléthorique. De quoi interroger sur leur provenance? Car si certains fruits et légumes ne peuvent venir que de l'étranger, à l'image des fruits exotiques, excepté les pamplemousses de Corse, d'autres ne sont pourtant pas nécessairement cultivés dans l'Hexagone. Une constatation qui a contribué à la gronde des agriculteurs, qui sont parfois allés jusqu'à filtrer les marchandises provenant de l'étranger au cours de leurs protestations. Et ils ont bien raison. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, le site d'information Capital a récemment compilé les informations relatives à la provenance de nombreux fruits et légumes frais fournis par plusieurs enseignes de la grande distribution elle-même. Du côté des fruits, les pommes proviennent de France à 94%. Ça fait beaucoup là, non ? Les poires, pour leur part, affichent de bien moindres scores en comparaison. Elles ne sont produites dans l'Hexagone qu'à hauteur de 50%. Les kiwis, quant à eux, sont produits en proportion égale en France et en Union européenne, 43,75%. Le reste provient de la Nouvelle-Zélande. 12,5% des bananes sont d'origine française, plutôt origine des îles. Les 87,5% autres se répartissent en dehors de l'Union européenne. Aucune des références proposées par les grandes enseignes n'affiche lors de l'analyse pour origine l'Union européenne. Des observations à l'exact opposé de celles menées sur les mandarines dont la totalité de l'offre provenait de l'Union européenne. Pour ce qui est des oranges comme des citrons, aucun n'affiche origine France sur l'étiquette. Et c'est bien triste. Les légumes, ou bonjour la galère quand on doit en faire manger aux enfants, sont beaucoup plus locaux. 96,6% et 94,4% des pommes de terre et des carottes sont cultivées sur des exploitations françaises. Non loin derrière, les oignons affichent 83,1% d'origine France. La production française de brocolis n'affiche un score de pas plus de 25% des légumes vendus, contre 68,8% pour l'Union européenne. Les avocats, enfin, totalisent 37,5% des pièces provenant de l'Union européenne et aucun origine France. L'origine géographique est l'un des premiers critères de choix lorsqu'on achète des fruits et légumes, vous le savez aussi bien que moi. Afin de se repérer, plusieurs types d'informations encadrées par la loi sont à disposition du consommateur. C'est bête à dire... J'avais oublié qu'il faut tout vous dire ! Mais l'étiquetage des fruits et légumes... Ça marche toujours. La réglementation européenne et française demande que soit obligatoirement indiqué le nom du produit, son pays d'origine et le prix. Souvent au kilo, à la pièce ou au lot. Les SICO, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, sont des labels officiels encadrés au niveau français et européen. Les SICO garantissent aux consommateurs des caractéristiques spécifiques. Il y a deux SICO bien connus par chez nous, l'appellation d'origine protégée, anciennement AOC pour la France, et l'indication géographique protégée, l'IGP, garantissent aux consommateurs une origine spécifique définie dans leur cahier des charges. En France, on démontre 32 fruits et légumes certifiés IGP et 13 fruits et légumes certifiés AOP. Certaines démarches privées, individuelles ou collectives peuvent également contenir des références géographiques à l'instar du logo Fruits et Légumes de France et toutes ses déclinaisons dont l'utilisation est accordée pour des produits cultivés et conditionnés en France. J'ai envie de vous faire un petit aparté avant de conclure puisque, ok, aujourd'hui on est dans un monde ultra mondialisé, on est dans un monde où tout est connecté à tout. Mais rendez-vous bien compte que le libre-échange a ses limites. Et c'est quand même dommage, vous me direz, que l'on importe chez nous des fruits et légumes que l'on peut cultiver chez soi, puisque dans notre logique mercantile, il est beaucoup plus rentable d'exporter que d'importer. Et oui, c'est bête, mais nous pouvons tout de même dire que les pommes de terre sont françaises. Je ne dis absolument pas ça sous la contrainte de mon grand-père qui me menace avec du camembert pur. Mangez des fruits et des légumes, si possible le plus proche de chez vous, et la semaine prochaine, je vais éduquer vos jeunes en affirmant pourquoi c'est bête d'être si réfractaire au tatouage. C'était Théo Xerathieu Furter, à la revoyure les amigos.